Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Il y a des paysages sur Terre qui se façonnent lentement. Il faut des millions d'années pour que s'ouvre un océan ou naisse une chaîne de montagnes. Et puis il arrive qu'en quelques fractions de seconde, le relief de toute une région soit entièrement redessiné. C'est le cas lorsqu'un astéroïde de taille imposante vient percuter notre planète. L'événement s'est produit à plusieurs reprises dans l'histoire de la Terre et il se reproduira. En rencontrant la croûte terrestre à une vitesse de 10 km par seconde, le plus souvent, l'objet céleste se vaporise totalement, mais il génère un gigantesque cratère. Des millions d'années plus tard, les traces de ces collisions cataclysmiques sont encore présentes, mais pas toujours immédiatement reconnaissables. Il faut parfois mener de longues enquêtes sur le terrain pour identifier un cratère d'impact et retracer le scénario de la catastrophe. Notre invité, le planétologue Sylvain Boulet, étudie ces cratères d'impact. Il va nous dire ce que ces cicatrices estompées révèlent de l'histoire de notre planète et de notre système solaire. Vers 15h45, changement d'ambiance, nous nous intéresserons à l'histoire de la police scientifique et en deuxième heure, nous mettrons le cap sur la plus grande île volcanique de la planète, l'Islande. Nous serons en compagnie du géologue et photographe Arnaud Guérin. Et en toute fin d'émission, Jamy Gourmaud, le Jamy de C'est pas sorcier, nous emmènera dans une drôle d'aventure scientifique à découvrir en bande dessinée. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes, avec à la technique Rémi Sistiaga et Paul Percheron. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Travailler en chantant. Alors, le cratère de Karakul, c'est d'abord un cratère qui est très jeune, c'est-à-dire moins de 10 millions d'années, pour ce qu'on peut en savoir d'après les relations avec l'évolution de la chaîne himalayenne. 73 degrés, 25 minutes, 21. Okay. Tiens, viens voir l'Enco, ton avis. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ouais, c'est ça. Hein. Donc c'est fantastique parce qu'on vient de trouver une brèche. Alors ça ressemble à une brèche d'impact. Quand l'astéroïde est venu impacter le sol, ça est venu fragmenter l'ensemble du sol autour du point d'impact et on retrouve les morceaux d'un peu partout. Dans une gangue en fait plus ou moins fondue qui ressemble en fait à ce matériau-là. Bonjour Sylvain Boulet. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire GEOPS de l'université Paris-Saclay. Vous avez dirigé l'ouvrage « Impact des météores au cratère » aux éditions Belin. Nous étions à l'instant, là, dans cette archive, au bord du lac Karakul, quelque part dans la chaîne himalayenne, où vous avez mené plusieurs expéditions. Là, c'était en 2011, avec des collègues scientifiques. Où se situe exactement ce lac Karakul ? Alors le lac Karakul est situé à près de 4000 mètres d'altitude dans la chaîne du Pamir, à la frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. C'est un endroit très reculé mais absolument incroyable. Et donc voilà, c'est un immense lac entouré de montagnes à plus de 6000 mètres d'altitude. Et pourquoi ce site vous intéresse tout particulièrement ? Pourquoi y êtes-vous déjà allé 3 fois en expédition ? Eh bien parce que c'est un peu une énigme scientifique, c'est-à-dire que c'est un immense trou de 50 km dans une grande chaîne de montagnes qu'est l'Himalaya, et aujourd'hui on n'a toujours pas son histoire. Certains vont dire que c'est plutôt lié à la formation de l'Himalaya, d'autres à la chute d'un astéroïde, certainement peut-être aux deux, et donc voilà, on est en train d'essayer de résoudre cette énigme. Toute la question c'est de savoir s'il s'agit d'un cratère d'impact ou d'un effondrement lié à la tectonique des plaques. C'est ça. En fait, la solution la plus simple, c'était de dire que c'était un effondrement lié à la tectonique des plaques, parce que voilà, on a une dépression, on a une chaîne de montagne, donc il y a forcément eu de la déformation. Et imaginez qu'il y a une cicatrice de 50 km dans une chaîne himalayenne qui va être finalement une structure très récente, bah c'est assez challenging. Et évidemment, le terrain est quand même à 4000 mètres d'altitude, donc c'est pas forcément simple d'aller étudier les roches sur place. Alors, les bords du lac ont été déformés hein, depuis, parce que si l'impact a eu lieu à cet endroit-là, c'était il y a combien de millions d'années ? C'était il y a 5-10 millions d'années, ouais. Donc l'Himalaya était déjà en partie construite. Mais c'est vrai qu'en 5 à 10 millions d'années, ils pensaient à tous les glaciers qui ont déjà érodé les bords des montagnes, qui ont rempli de sédiments le cratère initial. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver les preuves de cet impact sur le terrain. Alors, quels indices vous cherchez justement sur le terrain ? Alors ça, c'est vraiment la question qu'on se pose quand on cherche un cratère. C'est on doit trouver des preuves macroscopiques et microscopiques. En preuve macroscopique, on va chercher ce qu'on appelle des brèches d'impact. En fait, la preuve qu'il y a eu complètement une pulvérisation des roches sur place, qui ont été remobilisées avec des fragments de roches cassés. Donc ça, c'est une preuve macroscopique. On a aussi aussi des shatter cones, des cônes de percussion, qui sont de gigantesques fractures coniques. Et ça, si effectivement vous avez ça dans votre jardin, vous pouvez nous appeler parce que bel et bien, c'est un cratère d'impact. Ça, c'est la signature du cratère, ces formes coniques. Alors, décrivez plus précisément alors, ces formes coniques. Un shatter cone, c'est vraiment, ça peut être un, ce sont des fractures qui vont avoir la forme d'un cône, strié et quand vous regardez à l'intérieur, vous allez trouver d'autres petites cônes striées et tout ça, ça va être pervasif. C'est-à-dire que si vous cassez la roche, vous allez retrouver encore des cônes. Et donc, c'est presque fractal, en fait. Et vous allez avoir des cônes qui peuvent mesurer de plusieurs centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Donc, c'est vraiment des formations extrêmement importantes pour démontrer la preuve d'un cratère d'impact. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans la suite de cette émission. Mais quand vous dites, si vous avez ces structures dans votre jardin, ça nous intéresse. C'est précisément hein, l'idée de Vigicratère où vous invitez le grand public dans une grande opération de science participatif pour découvrir de nouveaux cratères d'impact qui pourraient se cacher dans nos jardins ou dans nos paysages. On aura l'occasion d'y revenir. Pourquoi ces cratères d'impact sont si intéressants à étudier pour le planétologue que vous êtes ? D'une part, pour la Terre, c'est notre histoire. C'est-à-dire que la collision d'astéroïdes avec la Terre, déjà, la collision d'astéroïdes a construit la planète Terre. Et ensuite, évidemment, quand vous avez un corps de 1 km, 10 km qui vient impacter la surface de la Terre, vous allez modifier complètement l'environnement. Et donc, ça va avoir forcément des conséquences, notamment sur la biologie terrestre. Notre planète a subi beaucoup de bombardements comme ça, météoritiques, au cours de son histoire. Oui, alors pendant les 500 premiers millions d'années, les impacts se compter en certainement en plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'impacts à la surface de la Terre. Donc là, on remonte 4 milliards d'années en arrière. On est vraiment dans la toute première jeunesse de notre planète. Exactement. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. Allez, pendant 500, 700 millions d'années, la Terre était vraiment pas fréquentable. On avait voilà, des impacts sans cesse. Et puis, ça a commencé à se calmer. Et bizarrement, la vie, certainement, a commencé à apparaître à ce moment-là. Ouais. Alors, il y a ce bombardement primitif où vraiment la Terre était impactée très régulièrement. Ça s'est un peu calmé par la suite. Mais encore aujourd'hui, à des fréquences bien moindres, il arrive que des astéroïdes, des météorites viennent frapper le sol terrestre. Tout à fait. En fait, voilà, on vit sur une planète, mais notre voyage autour du Soleil, c'est pas quelque chose de calme. Hein. Tous les ans, la Terre rentre en collision avec 5000 tonnes de matière extraterrestre. Alors, la plupart de ces 50 000 tonnes, ce sont de toutes petites poussières qui viennent des comètes, mais on a quand même des corps de plusieurs mètres qui impactent la planète Terre tous les ans, et on va retrouver à ce moment-là, pour certaines, des météorites au sol. Et combien de cratères ont été identifiés par les scientifiques à la surface de notre planète aujourd'hui ? Aujourd'hui, on connaît 190 structures d'impact. Alors, j'utilise pas forcément le mot cratère, parce que cratère, ça va être une dépression avec un trou qu'on va voir sur le sol. Certains vont être visibles, d'autres vont être enfouis dans le sous-sol. Et donc, il va falloir évidemment faire preuve d'astuce pour aller retrouver ces structures dans le sous-sol. Ouais. C'est toute l'enquête qu'il faut mener, c'est que ces cratères, évidemment, ont été effacés comme des cicatrices qui, petit à petit, s'estompent. C'est ça, ce sont des enquêtes et c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on connaît si peu les cratères d'impact. Parce qu'il y a encore 50 ans, on ne savait pas ce que c'était un cratère d'impact. On a véritablement démontré l'origine des cratères en 1960. En 1960, pourtant, on était en train d'envoyer des hommes sur la Lune et on savait à peine que les cratères sur la Lune étaient des cratères d'impact. Donc, c'est une science extrêmement moderne, récente. Et donc, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, quel est le plus grand cratère découvert sur Terre à ce jour ? Alors, le plus grand cratère, c'est le cratère Vredefort. Il fait 180 km de diamètre. Il est en Afrique du Sud. Voilà, il s'est formé il y a 2 milliards d'années. Hein, donc, c'est l'un des premiers cratères, en tout cas l'un des gros cratères qui est préservé aujourd'hui. Mais évidemment, bien avant, il y avait encore de plus gros, mais aujourd'hui, ils sont effacés. Ils ont été effacés. Parmi les plus remarquables, on peut citer le météore cratère. Nous sommes en Arizona. Oui, alors le météore cratère, évidemment, c'est le cratère d'impact qui a permis de justement comprendre la formation des cratères. On est à la fin du 19e siècle. Il y a un homme, Daniel Barringer, qui trouve des météorites autour de cette cavité de 1 km de diamètre dans le désert de l'Arizona. Et il est le premier à faire le lien entre météorites et cratères. Et il publie en 1904, justement, cette première publication. Et il a fallu attendre, du coup, les travaux de Shoemaker en 1960 pour démontrer que ce cratère était bel et bien un cratère d'impact et le résultat d'une collision d'un astéroïde de 50 mètres de diamètre avec le désert. Alors là, on a trouvé l'explication, mais parfois il y a des situations plus étranges. Comme ce qui est arrivé le 30 juin 1908 au beau milieu de la Sibérie, près de la rivière Tunguska, des fermiers et des trappeurs ont vu un objet très lumineux traverser le ciel. Cet objet non identifié a engendré une onde de choc qui a ravagé 2000 km² de forêt couchant de très nombreux arbres, provoquant des incendies. Le phénomène a engendré un séisme de magnitude 5 ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde. Ce qui est très mystérieux dans cette histoire, c'est qu'aucun fragment de météorite n'a été retrouvé lors des expéditions qui ont été menées sur les lieux. Et surtout, pas le moindre cratère n'a été observé. Les scientifiques n'ont pu que constater les dégâts et recueillir les témoignages des habitants de la région. J'avais 7 ou 8 ans le jour où je l'ai vu avec mon père. On travaillait à la ferme à côté du chemin de fer. Et je n'oublierai jamais cette forme qui ressemblait à une longue cheminée à l'horizontale avec une queue de feu. Je me souviens avoir raconté à tout le monde qu'au départ, elle semblait se diriger vers le bas, mais qu'ensuite, elle a changé d'angle pour aller vers le haut. Je suis absolument sûre qu'elle a changé de direction. Traduction Mathilde Verfailly. Sylvain Boulet, ce qui s'est passé au-dessus de la Tunguska en Sibérie le 30 juin 1908, c'est encore un mystère aujourd'hui pour les scientifiques. Oui, c'est un véritable mystère. Déjà, il a fallu du temps pour aller sur zone. C'est-à-dire que le phénomène a eu lieu en 1908. Il a été visible notamment jusqu'en Europe parce qu'il y a eu un dégazage d'une fumée qui est venue éclairer nos ciels européens. Il a fallu attendre près de 15 ans pour aller sur place pour essayer de voir le résultat. Là, effectivement, ça a été une surprise de voir tous ces arbres couchés sur une si grande région. Et puis, voilà, les scientifiques, depuis plus d'un siècle, recherchent toutes ces traces. Alors, certains pensent de temps en temps avoir trouvé des minéraux choqués, des petites bulles de fer, mais finalement aucune preuve concrète sur véritablement ce qui s'est passé. On est sur ce scénario d'un corps possiblement de 50 mètres de diamètre qui est venu se fragmenter à 5 à 10 km d'altitude, provoquant une onde de choc phénoménale. Mais voilà, on n'en sait pas plus et ça reste encore une énigme. Ouais, certains ont même imaginé un impacteur composé d'antimatière. Enfin, toutes les théories les plus audacieuses ont été imaginées pour expliquer ce phénomène. C'est ça, et puis bon voilà, 1908, encore une fois, on ne sait pas ce que c'est un cratère d'impact, oui. Donc on connaît les météorites, peut-être qu'on a raté plein de choses à cette époque-là. Aujourd'hui, des scientifiques y sont retournés, mais voilà, 100 ans plus tard, c'est difficile de retrouver peut-être les preuves d'un petit impact. Alors essayons quand même de s'y retrouver, on a cité dans cette émission les astéroïdes, les comètes, les météorites. Quelle est la différence entre tous ces objets célestes qui peuvent venir nous tomber sur la tête ? Alors, les astéroïdes et les comètes, ce sont les corps célestes qui gravitent autour du Soleil. Les astéroïdes, on en connaît plus de 700 000 aujourd'hui, gravitent pour la majorité entre Mars et Jupiter. Et certains vont être déstabilisés dans la ceinture d'astéroïdes et vont se transformer en astéroïdes géocroiseurs. Et ce sont ces astéroïdes qui potentiellement sont dangereux. Alors aujourd'hui, on a un continuum entre comètes et astéroïdes parce qu'on s'est rendu compte que certains astéroïdes dégazaient et pouvaient former une petite queue comme une comète. Mais une comète, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est un corps qui est beaucoup moins dense qu'un astéroïde. Un astéroïde va être rocheux, alors qu'une comète va être un mélange de roche et de glace extrêmement poreux, qui va avoir une orbite aussi très excentrée. Quand elle va se rapprocher du Soleil, elle va à ce moment-là perdre sa matière et former la queue. Et les météorites ? Les météorites, ce sont les roches de ces corps qu'on retrouve au sol sur Terre. Alors, toutes les météorites sont issues des astéroïdes. On n'a jamais retrouvé de météorites qui viennent des comètes. Certainement parce que, justement, ce sont des corps poreux. Il y en a qui rentrent dans l'atmosphère terrestre, mais certainement, ils se désintègrent parce que, justement, ils ne sont pas assez consolidés. Alors, en percutant la Terre, certains de ces astéroïdes modifient profondément le cours de l'histoire de la vie sur notre planète. Nous allons parler de la collision cataclysmique qui a mis fin au règne des dinosaures dans un instant. Tombent les astéroïdes et souffle le vent dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Martine Comette et son compagnon Bruno n'en finissent pas de contempler leur cadeau tombé du ciel. Une météorite de 88 grammes. Ils appellent donc le couvreur qui n'en croit pas ses yeux. Sa première réaction a été « il faut être Superman pour casser une tuile comme ça ». Martine, quant à elle, est ravie de sa bonne fortune, peut-être un peu prédestinée. Ça a quelque chose de magique. C'est rigolo de recevoir une météorite avec un nom pareil. Car quand on s'appelle comète, recevoir une météorite, c'est un peu comme se faire offrir la lune. Cela met des étoiles plein les yeux. Clara veut la lune, il m'arrive de refuser. Quand j'ai rangé la fusée, au garage et dehors, il y a de l'orage. Clara veut la lune, moi qui suis plus terre à terre, je vois bien que ça l'est. Clara veut la lune, c'était Alain Chamfort. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Elle est arrivée à 42 000 km/h environ. À 10 km d'ici, elle a déclenché une boule de feu. À 20 km, une onde de choc. Et à 40 km, des vents dignes d'un ouragan. Mais finalement, rien de plus qu'une journée mouvementée dans le nord de l'Arizona aujourd'hui. Voilà ce dont une météorite de seulement 50 mètres est capable. Mais celle qui a décimé les dinosaures mesurait 10 000 mètres de diamètre. Elle a formé un cratère géant d'environ 200 km de large. Découvert en 1978 dans le golfe du Mexique, il a été baptisé Chicxulub. Sylvain Boulet, planétologue, nous emmène à la découverte des cratères d'impact que l'on trouve à la surface du globe. Il a fallu du temps pour comprendre que dans le golfe du Mexique se trouvait un cratère gigantesque. Pourquoi les scientifiques ne l'ont compris qu'en 1978 ? Alors en fait, on l'a même pas compris en 1978, c'est-à-dire qu'en 1978, on a juste découvert en Italie une petite couche d'argile située entre deux couches de roches par un scientifique qui s'appelle Walter Alvarez, et cette petite couche d'argile contenait énormément d'iridium. Et on a commencé à se demander pourquoi il y avait autant d'iridium dans cette couche qui séparait les roches de l'ère Crétacé et de l'ère Tertiaire. Et en fait, à partir de cette question-là, est née l'une des plus grandes énigmes, parce qu'en fait, on a eu la réponse qu'en 1990. Donc, la fameuse structure Chicxulub, on l'a véritablement découvert et annoncé au grand public en 1990. Donc, c'est 11 ans d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé à cette époque. Ouais. Alors, l'astéroïde qui a formé ce cratère en s'écrasant sur Terre faisait une dizaine de kilomètres de diamètre. Ça, on l'a à peu près identifié? Tout à fait. En fait, l'iridium qu'on a retrouvé un petit peu partout à travers le monde. D'où vient-il? Qu'est-ce que c'est, l'iridium? Alors, l'iridium, c'est finalement un élément extrêmement rare à la surface de la planète Terre qu'on trouve quand même en grande quantité, enfin en quantité disons non négligeable dans les météorites. Et c'est pour ça que l'hypothèse venant du ciel cosmique a été très vite amenée, parce que de l'iridium en si grande quantité dans cette couche ne pouvait qu'être amené par un astéroïde. Autrement dit, cet astéroïde qui s'est écrasé il y a 66 millions d'années était composé par cet iridium, et l'impact l'a fait se vaporiser, et c'est cette poussière d'iridium qui est venue recouvrir alors l'intégralité de la planète. Exactement, le corps impactant, donc 10 kilomètres de diamètre, c'est gigantesque. Imaginez-vous quand même un corps qui part de la surface jusqu'à l'altitude de vol des avions. Donc c'est quelque chose qui est énorme, la taille de Paris globalement. Et donc effectivement, au moment de l'impact, l'astéroïde se vaporise complètement. Et donc on va retrouver les dépôts partout à travers le monde. Et c'est cette couche qui va être l'indice principal pour la découverte de Chicxulub. On sait aussi que l'astéroïde est tombé dans l'eau, mais avec une profondeur très très faible. Alors quelles conséquences ça a eu ? Alors évidemment, il a fallu du temps aussi pour comprendre véritablement ce qui s'est passé. Il y a eu une étude là qui est sortie il y a quelques semaines à partir de Forage qui permet de retracer ce scénario des premières minutes. Effectivement, quand l'objet arrive, on va déjà souffler complètement l'océan et l'atmosphère. Ensuite, il va y avoir l'impact qui va être gigantesque, qui va créer une onde de choc, qui va créer une cavité de plus de 100 km de diamètre en quelques instants. On va avoir un séisme très puissant de l'équivalent d'une magnitude de 10 à 11 en fait quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui sur Terre. Et on va avoir, au moment de la formation du cratère, une libération de roches et de gaz brutales, de roches fondues qui va venir arroser toute l'atmosphère. Et évidemment, tous ces débris vont chauffer l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'effet rôtissoire. Mmh. Et donc, toutes ces particules vont retomber au sol et vont créer des incendies faramineux sur toute la surface du globe. Et donc, on va retrouver d'ailleurs dans cette couche d'argile de la crise crétacée tertiaire, eh bien, de la suie, hein, montrant que quasiment la moitié de la faune, en fait, eh bien, a complètement brûlé en quelques instants suite à cet événement. C'est vraiment instantanément que tous ces animaux, pour la plupart d'entre eux, ont disparu. Effectivement, hein, instantanément pour une grande partie des dinosaures, sauf les oiseaux, les fameuses ammonites, bélemnites et 80% de la faune aquatique qui a disparu suite à cet impact. Alors évidemment, il y a dû avoir une grosse partie qui a disparu tout de suite. Et puis après, il a fallu aussi plusieurs mois parce qu'on a eu tout d'abord un refroidissement de la planète parce que évidemment toutes les poussières qui ont recouvert ont stoppé le rayonnement solaire et donc on a arrêté tout simplement le processus de photosynthèse. Et effet parasol. Quoi. Exactement. Et la chaîne alimentaire s'est effondrée les jours suivants. Et puis, par la suite, le rayonnement qui réussissait à rentrer a créé le phénomène inverse avec un effet de serre très important et qui a continué finalement à détruire quand même énormément d'animaux à la surface de la planète. Et pour compléter le tableau apocalyptique, aux nuages de poussière, aux incendies, s'ajoutent des tsunamis gigantesques parce qu'effectivement, comme il est tombé dans l'eau, il a généré des vagues gigantesques. Tout à fait. Le tsunami a été extrêmement important. Il a été ressenti sur toute la planète. Des vagues pouvant mesurer plusieurs centaines de mètres de haut. Et là, récemment, une étude a montré en fait qu'à 3000 km du lieu d'impact, on a retrouvé des poissons qui étaient tranquillement en train de nager dans une mare, qui avaient mangé des petites sphérules d'impact qui ont été envoyées. Par la suite, il y a eu le tremblement de terre qui a fait bouger la rivière. Et à ce moment-là, tous les poissons étaient recouverts par cette nappe de boue. Et donc, on a retrouvé cette nappe de boue avec les poissons et ces petites sphérules d'impact. C'est la première fois, véritablement, qu'on a des détails sur les quelques minutes après l'impact. Un astéroïde de 10 km de long qui frappe la surface de la Terre, on l'entend, ça fait de sérieux dégâts. C'est un événement rare. À quel point est-ce un événement rare ? Alors, heureusement, oui, c'est un événement extrêmement rare. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un événement comme ça tous les 100 millions d'années. Donc, effectivement, sur les 190 structures qu'on connaît, eh bien, on n'en connaît pas 12 000 aussi grosses, hein, déjà. On en connaît de 3 de plus de 100 km de diamètre. Donc, il en manque aussi à l'appel. C'est-à-dire qu'il y a certainement des cratères de cette taille qui ont disparu à cause de la tectonique des plaques, de l'érosion, etc. Mais donc, effectivement, oui, c'est quand même extrêmement rare et c'est pas prêt d'arriver encore tout de suite. Ouais. Ça pourrait se reproduire. Ça pourrait se reproduire, on pourrait, mais il faut quand même un corps de 10 km de diamètre. Des corps de plus d'un kilomètre de diamètre, parmi les astéroïdes géocroiseurs, on en connaît à peu près 1000 et que quelques-uns qui ont cette taille-là. Donc, ces astéroïdes sont surveillés. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'imaginer un tel impact dans les prochains siècles, voire millénaires. Ah, difficile d'imaginer, pas pour les scénaristes hollywoodiens. De quoi s'agit-il ? C'est un astéroïde. Quelle est sa taille ? D'après nos premières estimations, il aurait 90. Il est grand comme le Texas, monsieur le Président. C'est cela. Vous êtes en train de me raconter qu'on ne s'y attendait pas ? Pour les risques spatiaux, notre budget est $1 million. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel. Excusez-moi, monsieur le Président, mais le ciel est vaste. Il va nous heurter ? Nous le saurons bientôt, monsieur le Président. Est-ce que vous avez une idée précise du risque ? Le risque ? Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie. Mon Dieu. Sylvain Boulet, rassurons le président des États-Unis, est-ce que vraiment l'extinction totale jusqu'à la moindre bactérie pourrait être envisagée suite à l'impact d'un astéroïde ? L'extinction totale, c'est difficile à imaginer. On l'a bien vu avec Chicxulub. Hein. Chicxulub, c'était à peu près 70% des espèces qui ont disparu. Donc, heureusement pour nous, la vie a continué. Et je tiens à le rappeler quand même, c'est que si les dinosaures n'avaient pas disparu, on ne serait certainement pas là parce que suite à cette disparition, les mammifères ont pris de plus en plus de place et voilà, et nous sommes là. Donc, non, on est tranquille de ce point de vue-là. On n'aura pas une extinction totale, à moins que l'objet soit beaucoup plus plus gros, ce qui est peu probable. Aujourd'hui, tous les géocroiseurs de la taille de cet astéroïde, alors les géocroiseurs, ce sont ces astéroïdes qui croisent la trajectoire de notre planète, est-ce qu'ils sont tous sous surveillance? Alors non, on ne connaît pas tous les astéroïdes géocroiseurs, loin de là, on en connaît à peu près 15 000, on connaît à peu près 90% des astéroïdes de géocroiseurs de plus d'un kilomètre, donc on connaît quand même une bonne partie de ces astéroïdes très destructeurs. Ce qui pose véritablement le plus de problèmes, c'est les corps qui vont mesurer 100-200 mètres. Là, on connaît environ 20% de ces corps-là, et ça, c'est inquiétant, entre guillemets, parce que tout simplement, un corps de 100 mètres qu'on ne verrait pas arriver, ça pourrait poser un énorme problème à l'échelle du continent. Donc, c'est à surveiller. Les scientifiques ont-ils une idée de ce que l'on pourrait faire pour dévier un astéroïde par malheur, l'un venait à se diriger droit sur nous? Alors oui, les scientifiques ont des scénarios, alors de temps en temps un peu loufoques. On a entendu Armageddon, là c'était... C'était Bruce Willis. Il fallait appeler Bruce Willis, aller forer à l'intérieur de l'astéroïde et faire tout péter. Ça c'est finalement la plus mauvaise solution, tout simplement parce qu'on va prévoir d'énormes débris qui vont être complètement radioactifs. Donc il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire complètement péter l'astéroïde. Non, la meilleure solution c'est de le dévier en tout simplement envoyant un impact à la surface. Et donc on espère qu'en envoyant un impacteur à la surface, on va légèrement le dévier et à ce moment-là, sa trajectoire sera différente et on va ainsi effleurer la Terre et éviter la collision. Des tests vont être entrepris très prochainement. Oui, tout à fait. Il y a une mission qui s'appelle DART qui va être envoyée par la NASA en 2021. Cette petite sonde va être envoyée en direction d'un astéroïde double. Et en fait, on va venir cracher la sonde sur la petite lune de l'astéroïde principal. Et depuis la Terre, on va surveiller justement la trajectoire et voir si l'impact a modifié la trajectoire de l'astéroïde. Donc on s'y prépare. Donc effectivement, c'est une hypothèse et d'ici 2022-2023, on verra si ça a été efficace et si on peut continuer dans cette direction. Alors parmi les solutions envisagées, il y a celle de peindre un astéroïde en blanc. C'est sérieux ça ? Alors c'est sérieux et pas sérieux, c'est-à-dire qu'on part sur un phénomène physique, effectivement que si on change la couleur de l'astéroïde, on va modifier sa façon de tourner sur lui-même et de tourner autour du Soleil. Donc ça c'est très sérieux parce qu'effectivement la couleur des astéroïdes influence fortement l'orbite des astéroïdes. Après honnêtement, peindre un astéroïde entier avec des petites billes de peinture, ça paraît quand même assez irréalisable. Faut en parler à Bruce Willis. Exactement. Il existe un cratère d'impact de grande taille sur le territoire français. C'est le seul connu à ce jour. Il fait une vingtaine de kilomètres de diamètre. Et vous allez nous dire, Sylvain Boulet, où il se trouve et ce que l'on sait de la catastrophe qu'il a provoquée. Et puis nous allons aussi parler de ce nouveau programme de science participative Vigicrater que vous lancez. Nous nous sommes préparés au pire. Pour assurer la continuation de notre mode de vie, nous avons aménagé un réseau d'abris souterrains immense. 1 million de personnes pourront vivre là sous terre pendant 2 ans. Le 10 août, nous allons organiser un tirage au sort national. Un ordinateur sélectionnera au hasard 800 000 Américains qui se joindront aux 200 000 scientifiques, enseignants, soldats et artistes qui ont d'ores et déjà été choisis. Keeps me grooving, steady grooving, steady. Help me understand. Oh. C'était Fire, Black Puma sur France Inter. France Inter, du vent dans les synapses. Imaginons, un astéroïde de plus d'un kilomètre de diamètre entre dans l'atmosphère et tombe sur une petite ville française. Par exemple, Rochechouart, bourg paisible situé en Haute-Vienne. N'imaginons plus, cet événement s'est réellement déroulé il y a environ 200 millions d'années. Bien sûr, Rochechouart n'existait pas encore, et l'espèce humaine non plus d'ailleurs. Impossible de le voir en regardant le paysage, mais nous sommes au milieu d'un cratère météoritique d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, l'un des 40 plus grands cratères au monde. Nous avons dans ces roches une anomalie en fer, nickel, chrome, un certain nombre d'éléments qui sont symptomatiques du projectile. C'est sûr, on a affaire à un impact. La voix de Philippe Lambert, chercheur spécialiste du cratère de Rochechouart, c'était un extrait du reportage « Cicatrices d'étoiles » à voir sur le site du CNRS, en lien sur la page du Vent dans les synapses sur franceinter.fr. Sylvain Boulet, il y a 200 millions d'années, un astéroïde s'est écrasé dans ce qui est devenu, après, le Limousin. Quand cette découverte a-t-elle été faite ? Alors, cette découverte a été faite en 1969 par un Français qui s'appelle François Crotte. Et il a été, en fait, c'est un géologue qui a réétudié les roches dans la région où on pensait que c'était tout simplement des roches volcaniques. Et dans ces roches, on a trouvé notamment des quartz choqués, c'est-à-dire des quartz qui ont subi un impact et qui montrent des petites zébrures. On a trouvé les fameux shatter cones dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, là, il y a eu un impact majeur qui a eu lieu. Donc, ce sont ces roches taillées en forme de cône, hein, ces Alors l'impact a eu lieu il y a 200 millions d'années. À cette époque, il y avait sur Terre un seul et unique continent, la Pangée, qui était en train de se morceler. Ce qui deviendra la France se situait au 30e parallèle. Hein, donc elle se trouvait à la place de l'actuel Sahara. Et quelle taille faisait cet astéroïde qui est venu impacter le sol à l'endroit de ce qui deviendra la France? Donc effectivement, la taille, on pense qu'on est à peu près sur un corps d'un kilomètre de diamètre, hein, à 1,5 kilomètre de diamètre. Donc ouais. C'était quand même un astéroïde assez important. Ouais. Qui a quand même eu moins de conséquences que l'astéroïde qui a fait disparaître la plupart des dinosaures. Oui, effectivement, l'énergie libérée est incomparable. Hein. On est sur un événement quand même important qui a dû causer quand même des disparitions d'espèces, on va dire au niveau français, peut-être continental. Mais c'est vrai que ça n'a pas eu un impact international à l'échelle de la planète. Alors un cratère de 1 km de profondeur, d'un diamètre d'une vingtaine de kilomètres, sur place, quand on va sur place aujourd'hui à Rochechouart, Rochechouart est à peu près au centre de ce cratère. Qu'est-ce qu'on voit exactement? On parle d'un astroblème, c'est quoi? Oui, c'est ça. En fait, autour de Rochechouart, il y a ce qu'on appelle la réserve naturelle de l'astroblème Rochechouart-Chassenon. Donc, c'est une réserve, en fait, où on essaye de protéger justement les affleurements qui montrent qu'il y a eu bel et bien un impact. Et effectivement, autour de Rochechouart, vous allez retrouver différentes carrières, différentes buttes rocheuses qui vous montrent différents types de brèches d'impact et qui vous montrent effectivement les résultats de cet impact majeur. Naturellement, on ne voit plus du tout la structure circulaire, ça a été complètement érodé depuis 200 millions d'années. Donc on est quasiment sous le niveau du cratère et on ne voit que ces buttes finalement qui ont été étudiées justement par François Crotte en 69. Et finalement, bien avant de savoir ce qui s'était passé ici, les hommes ont construit des maisons, des églises avec ces roches qui avait été transformée par l'impact. Tout à fait, si vous allez à Rochechouart, il y a le château qui est construit complètement en brèche d'impact. L'église de Précignac, vous allez retrouver aussi les shattercones dans les roches de l'église. Le cratère, lui, a continué d'être étudié après 69, notamment avec Philippe Lambert qui a fait de travaux très extrêmement importants. Après, il a été un petit peu oublié et aujourd'hui, ben voilà, il y a un renouveau puisque on est retourné faire notamment des forages. On a fait plus de 500 mètres de forage qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Rochechouart. Ça, c'est le fond de ce qui était à 10 km de profondeur quand le cratère cesse de grandir. Une carotte tout juste remontée d'une profondeur de 82 mètres et l'on découvre le plancher de l'astroblème de Rochechouart. Formé il y a 200 millions d'années, unique en France, la structure météoritique de Rochechouart-Chassenon a été peu étudiée. Les forages profonds réalisés sur l'ensemble du site permettront de déterminer la forme et la taille initiale du cratère, de préciser l'âge de l'impact, mais surtout de comprendre ses effets sur l'environnement. Quels sont les effets que ça produit d'un point de vue mécanique et d'un point de vue thermochimique ? Qu'est-ce qu'un impact modifie dans son environnement et quelles sont effectivement les incidences que ça peut avoir sur le vivant ? Alors on connaît les grandes extinctions hein, et ça construit des conditions qui sont favorables à l'habitabilité des planètes. Un reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Cette campagne de forage a débuté en 2017. Qu'est-ce que les chercheurs espèrent comprendre grâce à ces forages, Sylvain Boulet ? Aujourd'hui, on va pouvoir étudier notamment les brèches d'impact, mais aussi le sol qui a été impacté en profondeur. La plus grande carotte fait 100 mètres. Donc non seulement on va avoir la carotte qui va nous montrer les différents types de brèches, les roches qui ont été fondues, choquées, etc. Donc on va pouvoir vraiment comprendre les conséquences de l'impact. Et puis en profondeur, on va tout simplement pouvoir étudier le socle qui a été complètement bouleversé et notamment toutes les circulations d'eau, toutes les recombinaisons minérales qui se sont reformées par la suite pour recombiner voilà, toute cette histoire qui a eu lieu il y a 200 millions d'années. Alors ces cratères sont des mines d'infos hein, pour les scientifiques sur l'histoire de notre planète, sur celle aussi de notre système solaire. C'est pourquoi les scientifiques aimeraient découvrir d'autres cratères d'impact et vous profitez de cette émission, Sylvain Boulet, pour lancer le nouveau programme de science participative Vigicratère. Vous demandez au grand public, là, à nos auditeurs hein, qui nous écoutent, de vous aider à trouver de nouveaux cratères. De quelle manière ? Vigicratère, c'est un programme de science participative qui appartient à un programme plus vaste qui s'appelle Vigiciel, qui est porté par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Université Paris-Saclay. L'idée, c'est tout simplement d'essayer de trouver de nouvelles structures. Je vous ai dit qu'il y en avait 190 aujourd'hui. Plusieurs études montrent qu'il y a certainement encore des dizaines, voire des centaines de cratères d'impact à découvrir sur Terre qu'on n'a toujours pas découvert. Donc aujourd'hui, grâce notamment alors à l'imagerie satellite, en fait, on va proposer au grand public d'étudier des images, des reliefs, en fait du relief ombré, c'est-à-dire on va prendre la topographie, on va demander au grand public d'identifier des structures circulaires. Grâce à ça, on va pouvoir demander au public de voter aussi sur la nature de ces structures identifiées. Donc on va pouvoir demander est-ce que c'est plutôt une structure volcanique ou un impact ou lié à une structure anthropique. Et on va aussi demander aux voyageurs d'apporter des données, c'est-à-dire que si vous voyagez à côté d'une structure identifiée, vous allez pouvoir amener des photos du paysage ou aussi des qui vont permettre tout simplement de motiver à l'avenir de nouvelles études scientifiques faites soit par nous-mêmes ou encore par les scientifiques des différents pays parce que voilà, le monde est grand, le nombre de structures est important et il y a énormément de travail à réaliser sur ces structures à découvrir. Et quand vous dites que les participants vont pouvoir voter, c'est-à-dire qu'il y a à trier ces images, l'intelligence artificielle ne serait pas forcément le bon moyen pour le faire. Là, vous utilisez finalement des cerveaux bien humains pour regarder ces images. Et vous vous dites, la majorité aura certainement raison dans sa façon de trier les images une fois qu'ils auront évidemment pris connaissance de la façon de sélectionner, de trier les images. C'est ça, il y a la science participative, c'est répondre à un protocole et essayer d'appliquer ce protocole pour voilà, arriver à un résultat. Donc on a effectivement ce protocole d'observation, on apprend aux gens à observer une image satellite, à dessiner ses structures, on apprend aux gens comment reconnaître une structure volcanique d'une structure d'impact. Et grâce à ces tutoriels qui seront en ligne, qui vont accompagner eh bien, les participants, vous allez pouvoir justement apprendre à discerner eh bien, ces différentes structures. Alors, le site internet où l'on se retrouve pour avoir toutes les précisions pour participer, alors ça peut être des particuliers, ça peut être des classes aussi. Hein, à l'école, on peut emmener sa classe sur le terrain pour essayer d'identifier des cratères. On va où sur Internet? Donc c'est vigie-cratère.org. En fait, c'est un projet finalement du météore au cratère, raconter cette grande histoire de l'astéroïde, du météore à l'étoile filante, de la météorite et au cratère. Et voilà, ça fait toute cette belle histoire qui nous permet d'en apprendre un peu mieux sur l'impactisme. Merci Sylvain Boulet. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage justement qui s'intitule « Des météores au cratère, impact ». Et puis pour tous ceux qui voudraient mener l'enquête et vous aider à découvrir de nouveaux cratères d'impact sur Terre, il y a ce nouveau programme de science participative, Vigicratère. On va mettre le lien sur la page du Vent dans les Synapses sur franceinter.fr. Vous êtes adepte des séries policières, Sylvain Boulet? Oui, j'aime bien. Alors restez avec nous dans un instant, nous allons nous intéresser à l'histoire de la police scientifique avec Pierre Piazza, commissaire de l'exposition La science à la poursuite du crime aux Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine. Ouais. Putain, j'ai réussi ma life, je me lève à midi. Y'a des choses qu'il vaut mieux mettre au lendemain comme le suicide. Oui, je maîtrise la chimie. S'il y a du rap de Yankee, je dois être le scientifique, celui qui s'enrichit. Perdu dans mes pensées quand y'avait pas de plan. Absent, avant, quand la vie n'avait pas de sens. Quand j'étais pas sûr d'avoir du talent, quand j'y croyais pas. Boule au vent, tellement gros, je pouvais faire des caméas. J'ai la formule secrète, j'ai des nouveaux et des vieux textes. Des vérités, ils sont des peut-être. Mes ex me regrettent, j'ai réussi ma life. J'suis plus genre de truc où tu te sens sale comme après deux grecs. C'est ta Rolex mais c'est mon heure. Ta percée c'est super, maintenant essaye de tenir la longueur. J'rentre en boîte en Quechua, j'suis fidèle. C'est pour ça que ta pétasse rentre chez toi, n'est-ce pas? J'voulais écrire pour ces petits bâtards, mais la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est haha. J'ai réussi ma life, j'ai réussi ma life. Oxorel est dit sur la rythmique à face. Koiba, Chivas, j'ai réussi ma life. Un nouveau moulinet, j'ai réussi ma life. Aubergine, parmesan, j'ai réussi ma life. Plus de batterie, j'ai réussi ma life. Ce que je fais de ma vie, j'écris des vaccins. Trouver des formules pour frimer des choses simples. Positivité recto verso, je remercie la vie quand je me sers un verre d'eau. Tu sais ce que ça fait de sentir happy après autant de réveils sur le tapis. Sous la pluie, assis sur un banc, porte de pantin, sans aucun plan, aucun tapin. Je chante avec nonchalance, car ton avis, si t'es pas fan, je m'en balance. Dans le plaisir de chaque instant, depuis que je me remets de la délinquance. Primés, ils n'ont aucune raison de s'en devenir meilleur qu'une saison 2. Je vais m'en sortir avec Aurel en fit solide, pas comme une clope et Oli. Tu peux enchaîner les cadeaux, c'est toi le prisonnier. T'achètes pas, tu tombes dans les 10 premiers rounds. Tellement de blindés qui ont raté leur life. À cette heure précise, j'ai réussi ma life. Ma life. J'ai réussi ma life. Ma life. Oxmo Puccino et Aurel San qui chantaient My Life sur France Inter, et la programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. La crainte que l'ombre de la tour pointue répand sur le monde des malfaiteurs, elle la doit en partie au système de reconnaissance établi par Alphonse Bertillon. C'est là qu'il mit au point une nouvelle technique d'identification basée sur les mensurations et la classification des apparences physiques. Dans ses locaux, sous les combles de la préfecture de police de Paris, où sont toujours logés ses services et où, depuis 50 ans, sont montés et descendus tant de pas. Ce fut la naissance de l'anthropométrie qui a permis dans la recherche des criminels tant de succès éclatants. Avec l'adjonction de la photographie et l'adoption du système des empreintes, l'identification judiciaire disposa alors d'un arsenal efficace qui a permis l'établissement d'un véritable fichier du crime et qu'ont adopté les polices du monde entier. Saluons avec le professeur Sanier qui la continue, l'œuvre de Bertillon qui naquit voici justement 100 ans. Voici comment on rendait hommage à Alphonse Bertillon dans les Actus françaises en 1953, et les travaux de ce précurseur intéressent toujours aujourd'hui. Pierre Piazza nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste de l'histoire de la police scientifique. Il y a 140 ans, hein, en 1879, Alphonse Bertillon intègre la police de Paris, mais à l'époque comme un simple employé. Et pourtant, il va révolutionner la façon de mener les enquêtes. Oui, c'est cela. Alors, les appréciations qu'a obtenues Alphonse Bertillon lorsqu'il a passé ce petit concours de commis aux écritures, grosso modo, c'est médiocre et style négligé. Et quand on voit ensuite la carrière qu'il a eue, il a eu la Légion d'honneur, il était comparé à Pasteur à l'époque, tout simplement parce qu'il a inventé pour la première fois un dispositif policier d'identification des individus à peu près fiable, reposant sur quatre piliers. Le petit documentaire que vous venez de diffuser l'indique, l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire qu'on peut identifier les personnes en mesurant leurs caractéristiques physiques. Ensuite, la photographie, hein, qu'il fait devenir judiciaire, la photographie face profil, hein, qu'on connaît tous maintenant. Il standardise les photographies, voilà, pour qu'elles soient comparables. Voilà, il homogénéise la façon de faire les photographies pour les standardiser. Et ce qui intéresse Bertillon, c'est surtout la photographie de profil, et c'est le troisième pilier. C'est parce qu'on y trouve des caractéristiques intéressantes, notamment l'oreille. Hein, Bertillon compare l'oreille à une empreinte digitale. On a tous des oreilles différentes. Et puis la forme du nez, du menton, etc. C'est-à-dire que, grâce ou à cause de Bertillon, les prévenus, les suspects sont mesurés. Alors je crois qu'il y a 12 parties du corps qui sont mesurées. Voilà, 12 mensurations, le pied, la hauteur bien sûr, la taille, mais aussi l'envergure des bras, la taille de la coudée, hein, du coude au méduse, etc. La photographie donc, et puis la description mathématique du visage, et enfin le quatrième pilier que je n'avais pas précisé, que sont les stigmates corporels, à savoir qu'on a tous des stigmates qui permettent aussi de nous identifier, comme les grains de beauté, les cicatrices et de plus en plus les tatouages. Alors ces nouvelles méthodes vont rapidement permettre de confondre notamment un délinquant récidiviste. Alors il faut bien se remettre dans le contexte. À l'époque, il n'y a pas de carte d'identité. C'est beaucoup plus facile, hein, de gruger la police et de ne pas révéler son identité quand on est arrêté. Oui, les cartes d'identité, on a quelques documents, passeport à l'intérieur, livre ouvrier, mais les documents sont très peu fiables. L'état civil n'est pas fiable non plus. Et puis, bien évidemment, les délinquants récidivistes vont avoir de plus en plus intérêt à changer d'identité, en tout cas à s'affubler d'identité multiple. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi extrêmement répressive qui est votée le 27 mai 1885, qui est la loi sur la relégation. C'est-à-dire que chaque récidiviste, hein, chaque personne condamnée plusieurs fois a le statut de récidiviste et va être expulsée en Guyane et en Nouvelle-Calédonie. Donc il vaut mieux faire plusieurs crimes et délits sous des identités différentes pour éviter le cumul des peines. Ouais. Alors justement, Bertillon, alors on va appeler ces méthodes le bertillonnage. Oui. Il fait créer des instruments de mesure pour que dans tous les commissariats, on puisse prendre avec la même précision les mesures et justement identifier des criminels qui seraient les mêmes mais qui auraient des identités différentes. Alors exactement, on a tout un tas d'instruments qui intègrent la panoplie policière. Bien sûr, il y a des toises, il y a des meubles pour poser le bras et mesurer la coudée, par exemple. Il y a aussi des meubles pour mesurer le pied et tout un tas de compas pour mesurer la tête. Et puis, un instrument qui devient décisif aussi sont les fichiers, parce que toutes ces données sont retranscrites sur des fiches, donc des données à la fois signalétiques, mais aussi des données photographiques, et puis ensuite les empreintes digitales, et ces fiches, hein, bon, Bertillon appelle ça la fiche parisienne, qui fait 15 cm sur 15 cm, et bien ces fiches alimentent des fichiers de plus en plus gigantesques. Et puis il va être aussi le premier au monde à identifier un meurtrier non présent sur les lieux, grâce aux traces digitales que le meurtrier aura laissées sur les lieux. C'est le premier. Oui, c'est la fameuse affaire Schaeffer, c'est-à-dire le premier à identifier à partir des traces digitales laissées sur une scène de crime un individu qui n'y est pas présent et qui vient de commettre un meurtre. Alors c'est un peu paradoxal parce que Bertillon refuse de classer ses fiches par empreinte digitale. Et dans ce cas, il va comparer les traces trouvées sur la scène de crime avec des empreintes qu'il appose quand même sur ses fiches. Et il va faire les fiches une à une et va établir cette correspondance entre les traces et les empreintes, mais de manière un petit peu étrange. Certains diront qu'il ne l'a pas fait comme ça d'ailleurs. Certains diront qu'on suspectait Schaeffer et qu'il est allé voir s'il y avait une fiche au nom de Schaeffer et qu'il a ensuite comparé les empreintes sur la fiche avec les traces retrouvées sur la scène de crime. Toujours est-il qu'il va inspirer les polices du monde entier. À son époque, Bertillon est célèbre, reconnu, hein. sur la Terre entière, mais il va commettre quand même des erreurs retentissantes, et notamment dans l'affaire Dreyfus, oui. Où il va vouloir utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui la graphologie, c'est-à-dire essayer d'étudier l'écriture pour identifier l'auteur de ces mots inscrits. Exactement, donc c'est Bertillon qui va être dépêché comme un des experts en graphologie. Alors lui parle plutôt d'expertise graphique, mais c'est le début de la graphologie. C'est un champ d'expertise qu'il investit, et donc il est mobilisé dans l'affaire Dreyfus pour analyser le bordereau. Il est convaincu de la culpabilité de Dreyfus, et donc il va échafauder toute une théorie un peu fumeuse. C'est la théorie de l'autoforgerie. Dreyfus aurait auto-forgé son écriture volontairement en mélangeant son écriture avec celle de son frère Mathieu Dreyfus. Et bien sûr, il va être pris dans la tourmente, hein, dans la grosse polémique entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. On va demander sa démission, il va être accusé de folie, d'antisémitisme, etc. Donc il est pris un peu dans la spirale politique de l'époque. Et Bertillon a aussi suscité des inquiétudes et des débats, évidemment, avec cette façon de mettre tout le monde en fiche. Il crée aussi des questionnements que l'on a toujours aujourd'hui lorsque l'on crée ces gigantesques fichiers. Alors, on a une tension qui commence à naître entre, bien sûr, la nécessité qu'ont les pouvoirs publics de répondre à des impératifs de sécurité. Ils sont nombreux, le crime, la délinquance, et puis il ne faut pas l'oublier, le terrorisme déjà à l'époque, avec les attentats anarchistes, notamment à travers Ravachol et la bande à Bono. Et puis, d'un autre côté, de plus en plus, la volonté en démocratie de préserver des choses qui sont précieuses, comme la vie privée et les libertés publiques. Donc on a cette tension permanente que pose, bien évidemment, la massification du fichage par Bertillon dès la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, dans les techniques utilisées par la police scientifique, que reste-t-il de l'approche d'Alphonse Bertillon? Il reste beaucoup de choses, énormément de choses. Il reste par exemple les photographies métriques de scènes de crime qu'on utilise toujours, les plans que l'on établit à partir de ces photographies métriques. Il reste la rationalisation du signalement sur les documents d'identité. Il reste quand même l'usage des empreintes digitales, parce qu'on utilise toujours les empreintes digitales et les traces digitales, bien sûr, qu'on essaye de révéler et de faire parler. Les fichiers massifs, bien sûr, qui prennent une forme informatisée, mais ils étaient déjà massifs avec Bertillon. Donc il y a beaucoup de choses, vous voyez, des logiques très très très lourdes qu'on retrouve, bien sûr, avec une évolution particulière des technologies, mais les logiques sont déjà là, dès la fin du 19e. Vous qui vous êtes intéressé à l'évolution de toutes ces techniques scientifiques, est-ce que vous pensez, Pierre Piazza, qu'un jour, on verra venir l'heure du crime avant même que le crime ne soit commis? Et si on veut jeter un petit œil sur l'histoire, on s'aperçoit déjà que Bertillon a cette volonté de police proactive, c'est-à-dire d'anticiper les comportements. Par exemple, il dit clairement, une fois que les délinquants et les criminels auront pris conscience qu'ils sont fichés dans les fichiers de police, qu'à tout moment, on peut ressortir leur véritable identité, eh bien, ils vont y réfléchir à deux fois maintenant, et bon, peut-être se ranger dans le droit chemin. C'est-à-dire que les instruments policiers, à travers les instruments policiers nouveaux, les fichiers, les traces, etc., Bertillon a ce fantasme un peu qu'il va changer le comportement des délinquants et des criminels. Mmh. Mais on entend encore ça avec la vidéosurveillance, on entend encore ça avec le fichage ADN. Maintenant que la police est dotée d'instruments efficaces, eh bien peut-être que les personnes vont changer de comportement. Les techniques évoluent, mais les préoccupations et les espoirs et les inquiétudes restent les mêmes. Y a aussi cette idée qu'à travers la technique, on va gérer les questions d'insécurité. Ce fantasme que la science a développé par Bertillon, et qu'on trouve aussi maintenant dans toutes les séries sur les experts, qu'à travers la science et la technique, on va pouvoir résoudre les problèmes de délinquance et de criminalité, qui sont des problèmes humains. Donc est-ce qu'on résout bien les problèmes humains à travers seulement la science et la technique, ou bien est-ce qu'il faut remettre plus d'humains en matière de sécurité sur le terrain? Donc c'est des modèles de police, finalement, qui sont totalement différents. Moi, je pense qu'il faut les deux, mais il ne faut pas surinvestir un domaine plus qu'un autre. Merci, Pierre Piazza. C'est moi qui vous remercie. Je signale aussi l'ouvrage que vous avez écrit avec Richard Marlet, « La science à la poursuite du crime » d'Alphonse Bertillon aux experts d'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment toute l'histoire de la police scientifique que vous retracez. C'est paru aux éditions de La Martinière. Merci à vous. Merci à vous.